Pendant ces préparatifs, au moins singuliers, le garde national examinait l'ameublement du salon où il se trouvait. En voyant les rideaux de soie, anciennement rouges, déteints en violet par l'action du soleil et limés sur les plis par un long usage, un tapis d'où les couleurs avaient disparu, des meubles dédorés et dont la soie marbrée de taches était usée par bandes, des expressions de dédain, de contentement et d'espérance, se succédèrent naïvement sur sa plate figure de commerçant parvenu. Il se regardait dans la glace, par-dessus une vieille pendule en pire, en se passant lui-même en revue, quand le froufrou de la robe de soie lui annonça la baronne. Et il se remit aussitôt en position. Après s'être jeté sur un petit canapé, qui certes avait été fort beau vers 1809, la baronne indiquant à Crevel un fauteuil dont les bras étaient terminés par des têtes de sphinx bronzées dont la peinture s'en allait par écailles, en laissant voir le bois par places, lui fit signe de s'asseoir. « Ces précautions que vous prenez, madame, seraient d'un charmant augure pour un... »« Un amant, » répliqua-t-elle en interrompant le garde national. « Le mot est faible, » dit-il en plaçant sa main droite sur son cœur, et en roulant des yeux qui font presque toujours rire une femme, quand elle leur voit froidement une pareille expression. « Amant, amant, dites ensorcelé,